Le cauchemar. Poil de carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, la nuit il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute. La grande chambre, glaciale, même en août, contient deux lits. L'un est celui de Monsieur Lepic. Et dans l'autre, Poil de Carotte va reposer à côté de sa mère au fond. Avant de s'endormir, il tout saute sous le drap pour déblayer sa gorge, mais peut-être ronfle-t-il du nez. Il fait souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées. Il s'exerce à ne point respirer trop fort. Mais dès qu'il dort, il ronfle. C'est comme une passion. Aussitôt, Madame Lepic lui entre deux ongles jusqu'au sang dans le plus gras d'une fesse. Elle a fait choix de ce moyen. Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement Monsieur Lepic qui demande « Qu'est-ce que tu as ?»« Il a le cauchemar, » dit Madame Lepic. Et elle chantonne à la manière des nourrices un air berceur qui semble indien. Du front, des genoux poussant le mur comme s'il voulait l'abattre, les mains plaquées sur les fesses pour parer le pinson qui va venir au premier appel des vibrations sonores, Poil de Carotte se rendort dans le grand lit où il repose, à côté de sa mère, au fond.